Une fois les portes fermées et la lumière éteinte, le silence se rétablira également derrière le rideau. Un même silence régnera sur la scène et dans la salle. Les regards du spectateur se fixent pendant un instant sur le rideau qui bouge presque imperceptiblement. Le rideau est encore agité par un objet glissant rapidement tout le long du velours. Puis le rideau s'immobilise. Un peu de temps s'écoule. Le rideau s'élève lentement. Lorsque la scène est ouverte, les spectateurs, les acteurs sortent du fond et se dirigent vers la rampe.